Speed Max. Comme tous les matins, Speed Max, avec une sac d'Homme Perrin. Ce matin, c'est un peu spécial. C'est la nuit. Hein. Taré. Ah oui, moi je dis la nuit des tarés. En fait, il fait jour depuis une heure. La matinée des tarés. Laisse tomber la galère. Si vous voulez, ce n'est pas pour faire concurrence aux Coyotes ou encore à Arthur. Mais tout simplement, la nuit des tarés, la matinée des tarés, c'est parce que Maximum s'arrête le 5 janvier, dimanche soir. À minuit. Donc, on a décidé depuis 1h du matin de passer 8 heures d'extasie fantaisie éclatée entre guillemets. On joue un petit peu sur les mots. Tout à fait, Robert. Et donc, on va se mettre au 40-39-09-09 16-1 pour jouer au Speed Max. 16-1 et 12 milliards de millions de mégahertz FM pour ceux qui appellent de la Corée du Nord. Alors, pour être sélectionné, le mot de passe du Speed Max aujourd'hui, c'est Guilux a une moumoute. Je répète, Guilux a une moumoute. Voilà. Simone Gardier ne va pas tarder. Voilà, si par exemple vous nous dites Catherine Ringer a un gros cul, vous n'êtes pas sélectionné. Donc c'est Guilux a une moumoute. Max. 7h10, le Speed Max. Yeah. Ouais. Jusqu'à 9h30. 9h du matin, on va péter les plombs à son maximum avec Olivier d'Aubervilliers. Salut Olivier. Salut tout le monde et salut tous les auditeurs. Tout se passe bien? Alors moi je voudrais qu'il nous refasse un truc, c'est recris-nous le mot de passe. Ilux a une grosse moumoute. Plus fort. Ilux a une bonne moumoute. Oh, il assure un maximum. Et Simone Gardier ne va pas tarder, refais-le-moi. Vas-y, Simone Gardier ne va pas tarder. Simone Gardier ne va pas tarder. Moi, voilà. Bien, moi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? On va se faire le Speed Max. Il va falloir, attention, concentre-toi, Olivier, que tu me répètes le plus grand nombre de fois possible. Tu es prêt? Ouais. Fort Boyard, c'est ringard. La nuit des tarés, c'est GG. Attention. Fort Boyard. Attends. Max. Vas-y. Fort Boyard, la nuit des tarés, c'est GG. Vas-y. Fort Boyard, plus vite. C'est ringard. Oui, la nuit des... Ouais, la nuit des tarés, c'est GG. Ouais, 3, Fort Boyard, c'est garagard. La nuit des tarés, c'est GG. T'as bu ou quoi? Ben non, parce que ça fait plaisir de vous entendre. Ce mec est bourré. Non mais c'est clair. Ou alors il s'est shooté au Pec Citron ou un truc comme ça. Alors Olivier, 4, tu as donc gagné 4 pins Fort Boyard. Et la moumoute de notre ami Guy. Et mes chaussettes. Donc Dorothée à Bercy. Bon, c'est possible de dire quelque chose? Vas-y, oui, je t'en prie. Demandez à tous les auditeurs de se rassembler pour sauver Maximum. Ah, et ben écoute, ça part d'un bon sentiment. À notre avis, c'est un peu désespéré parce que tu crois bien qu'on a tout essayé nous-mêmes. Manque de peau. Mais c'est merci quoi. Ça part d'un bon sentiment. Je vais arrêter d'écouter la FM alors. Voilà. T'as gagné 4 quoi? 4 CD, 4 disques, Tech Maxi. Ouais, on va faire un paquet pour Noël en retard. Noël en retard, mais pas au plumard. Donc Olivier, on va te laisser et on va te laisser déguster en notre compagnie la musique de Maximum qui continue. Les plus belles chansons d'amour aujourd'hui. Les plus belles chansons d'amour, les plus beaux slow. Et ouais, tout de suite, c'est notre ami Richard Sanderson, extrait de la BO de la Boom 2. Ah, et dommage, on ne peut pas le passer. Il est brisé. Il est cassé. Et donc, on va essayer de voir s'il a une sexualité différente des autres, mais cela ne nous regarde pas. Olivier, merci. Merci tout le monde. Salut et à bon toi. Courage. On va se faire donc jusqu'à 9h la suite des événements. Et toi, on t'envoie ton cadeau. Bouge pas, on va te prendre ça hors antenne. Et puis, on va te dire exactement de quoi il retourne. D'accord ? Salut ! Salut ! Olivier, salut ! Attention, sur Maximum, suite de la nuit des tarés, la matinée des tarés, il se transforme aussi Dino Lille. Pull. Maxime Amas, ça nous rappelle les débuts de Max, tout ça. C'était Dido Neil, Vulnerable dans les minutes qui viennent. On va se faire un Maximix, ce sera Mantronix. On va se faire Rose and Clark. Et puis les surprises. Le dormeur doit se réveiller. Maximum et Atoll présentent Technobeat. Rotterdam, 100% techno. 15 titres en version intégrale plus des mix inédits. Sadup System, LA Style, Navolan, Cubic 22, Price to Pound, Plexus, Psycho Team, Buzz, Classex. Techno Beat une fois, 100% techno, 100% maximum. Ok, boy. Ça bouge dans la musique. Maximum. Les années maximum commencent. Maximum. La nouvelle musique à son maximum. Maximum. Maximum. Bloquez votre radio et jetez le bouton. Vous êtes sur Maximum. Toutes les fréquences de Max sur le 3615 Maximum. Maximum. Les meilleurs remix et seulement sur Maximum. Maximum. Oh yeah. Oh yeah. faire, c'est vrai. Maximum, les Maxi Mix Made in Max, la preuve en est faite avec Mantronix. Vous savez que depuis 1h du matin, on est là pour péter les plombs à la maison. Et cette nuit était dédicacée à ceux qui ont fait Maximum et à vous, surtout auditeurs. Aussi, on a chopé, on a essayé de choper tous les animateurs de Maximum. Ouais. Et 7h25, Eric Madelon a fini à 1h. Et il n'est pas couché à cette heure-là. Qu'est-ce que tu fous, mon Dieu? Alors là. Bah écoute, je suis seul et sans amis dans le noir. Ouais. Ouais. Ah, on va pleurer là. Bats-toi, petit homme. Je me bats, je fais que ça d'ailleurs. Eric, dis-moi, quelle est ta pourquoi Maximum, qu'est-ce que t'en tireras comme conclusion? Comme conclusion? Enfin, tes plus belles années, je pense. Les plus belles années, bah déjà Maximum, c'est la plus belle radio qui ait pu avoir été inventée depuis la création de la FM. On va donc faire court parce qu'on est sur Maximum. Maximum, c'est la. Les mots sont assez. Difficile à trouver, ma poule. Difficile à trouver pour qualifier une radio aussi puissante que Maximum. C'est une radio qui a 10 ans d'avance. C'est une radio où les animateurs passent 4 heures à faire leurs émissions et pas une demi-heure à jacter des conneries et 3 heures à aller pisser ou draguer les sociétaires. Donc, si tu veux, Maximum, c'est un truc qu'il faut avoir enregistré, qu'il faut avoir vécu. En plus, on a vécu ça de l'intérieur. Donc c'est une fin de radio pour nous assez triste, dans la mesure où c'est la radio qui aura pu s'exporter en Europe, mais bon, les financiers et les politiques en ont décidé autrement, et je trouve ça vraiment triste à pleurer, quoi. Tout à fait. Eh ben écoute, on te suit largement. Sache que nous sommes de ton avis, monsieur Eric Madelon. Voilà, et en tant que futur ex-animateur et en tant que citoyen d'un pays libre, je suis malheureusement obligé de mesurer mes paroles. Tout à fait. Et donc c'est ce qu'on fait depuis cette nuit, mais il y a eu un creux entre 3 et 4, on a quand même. Eric, on va t'embrasser, ma poule, et t'as parlé. Alors, comme à RTL, je voudrais dire bonjour. Non, je déconne. Ouais. Je voudrais simplement remercier du fond du cœur tous les auditeurs purs et durs de Maximum qui nous ont soutenus jusqu'au bout. Et je voulais qu'ils sachent qu'on ne se fout pas de leur gueule et qu'on est vraiment avec eux. Et de toute façon, sans le cœur de cible de Maximum, Maximum n'aurait jamais existé. Et je crois que cette nuit, tous les gens l'ont prouvé, vu que même à 3h du matin, les plombs ont failli sauter au niveau du standard. Il parle bien quand il est fatigué. Et quand on peut dire quelque chose qu'on peut dire, on va le dire. C'est-à-dire, on avait les yeux exorbités toute la nuit avec Cocteau en regardant les lumières du téléphone. On s'est dit, c'est pas possible, c'est des copains. Et non, c'était des auditeurs de Besançon, Perpignan, de Reims. On a eu toute la France. Ouais, et manque de pont, on n'avait pas le réseau des autres, quoi. On avait 38 fréquences, nous. Quel réseau. Tu sais quoi, Eric? Eric, tu m'appelais de Paris, Eric. Tu as gagné un t-shirt. Et ouais, et tu vas gagner 2 compacts disques offerts par Sony Music, Technotronic, Body to Body, et l'album de Lisa and Lisa. Tu es content? Cocteau, t'es sponsorisé par Sony Music ou quoi? Un t-shirt Maximum qui s'allongera, donc la liste que tu as chourée dans la box et dans le stock. Les 23 t-shirts de Maximum. Attends, Pat, pourquoi tu fractures les portes? Hein? Non, je suis que chez moi, moi. D'accord. Moi, je casse les portes de chez moi. On t'embrasse, ma poule. Salut. À bientôt, à tout à l'heure, à bientôt, à plus et à très vite. Le Maxbox Maximum. Attention, aujourd'hui le Maxbox est à Reims et Châteauroux. Le Maxbox, c'est le poste rouge géant de Maximum. Il se balade partout en France. Allez vite le retrouver et gagner le ticket Max. Le Maxbox Maximum, aujourd'hui à Reims et Châteauroux. Et moi de le plus info. Hélène, c'est Delany, moi. Bonjour. Bonjour. Le sommet des 11 de la CEI, maigre résultat. Hier, les dirigeants de la communauté des États indépendants étaient réunis à Minsk. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un commandement militaire unique. 3 républiques font bande à part, l'Ukraine, la Moldavie et l'Azerbaïdjan. Elles auront leur propre armée. Cyrus Vance passera le réveillon en Yougoslavie. L'émissaire des Nations Unies entame sa 5e mission dans le pays. Il espère obtenir la fin des hostilités en Croatie et préparer un éventuel déploiement de casques bleus. Aujourd'hui, il rencontre pour la première fois des responsables yougoslaves. Sur le terrain, les combats continuent. Mère Teresa va mal. La religieuse a été opérée du cœur dimanche aux États-Unis. Elle souffre également d'une pneumonie. Selon ses médecins, son état est pourtant en train de s'améliorer. Mère Teresa a 81 ans. Tennis, la Coupe Hopman, c'est fini pour la France. L'équipe composée d'Henri Lecomte et Julie Allard s'est inclinée en quart de finale face à l'équipe d'Allemagne, composée de Boris Becker et Steffi Graf. Attention les filles, la folie des soldes nous guette. En Grande-Bretagne, les drogués des boutiques, pour la plupart des femmes, vont encore risquer l'overdose et la ruine, selon une étude de marketing publiée par l'université de Lancaster. Il y a chez elles une montée d'adrénaline, une excitation du moment suivie d'un sentiment de culpabilité et d'une grosse déprime, mais elles ne peuvent pas s'arrêter. Elles achètent parfois 5 exemplaires du même article, juste pour le frisson. Ben moi, je crois que je suis atteinte. Hein. Oui. Météo Max, la dernière journée de l'année à son maximum sera froide et brumeuse, histoire de terminer en beauté. Gardez la petite laine pour sortir thermomax de moins 7 à plus 1 ce matin. Un jean pour deux, pas bête, la marque de préservatif Durex vient de lancer un étui ultra plat de 2 capotes dans un emballage couleur jean, ni vu ni connu dans la poche revolver. C'est pas donné, 10 balles les deux, mais l'avantage c'est que pour la première fois, cette boîte jeune contient un mode d'emploi qui tient compte de la première fois. Ça peut vous servir les mecs. Moi j'aime bien, moi. Moi j'aime bien Hélène Zélani le matin parce qu'elle a un teint frais. Voilà, je voulais le dire, que toute la France le sache. Maximum, il est 7h30, la matinée des tarés continue avec Cocteau et Patangeli. Le Maxbox Maximum. Attention, aujourd'hui le Maxbox est à Reims et Châteauroux. Le Maxbox, c'est le poste rouge géant de Maximum. Il se balade partout en France. Allez vite le retrouver et gagner le ticket Max. Le Maxbox Maximum, aujourd'hui à Reims et Châteauroux. Maximum, c'est vrai. come back to me, baby. Maximum. Stand together. We've got to help one another. maximum, la soirée continue. Qu'est-ce que je raconte? Jusqu'à 9h du matin. Le mec qui n'est plus dans la réalité déjà, puisqu'on est là depuis hier à la pizza moins 30, il était 21h et les bananes. Depuis 1h du matin, ouais. C'est 8h de maximum, dose maximum, fais la fête, pas la tête. Donc, et la phrase du jour. Qu'est-ce qu'il dit? Sur moi, c'est le matin là maintenant. Oui, il est 7h39. Le double X. Il y aura un double X pour vous, Maximaniac, des compiles et des CD de Lisa Lisa à gagner. Des t-shirts. On articule parce articule qu'on est pâté, c'est mauvais. Et puis il y a un petit peu de champagne qui fait qu'on a du mal un petit peu. Merci la maison, merci d'ailleurs. Et 40-39-09-09-16-1 devant pour la province pour gagner des cadeaux. Merci aux coiffeurs qui coupent les cheveux et aux boutiques qui vendent. En tout cas, il faut en profiter. Maximum, c'est un dimanche à minuit. Il faut bien le savoir. Il faut le répéter. Écoute bien le signal. Il faut le répéter. Stop. 40-39-09-09, à vous de jouer. Black Box avec Maximum sur les Champs-Élysées. Attention, chauffez vos stylos. Pour sa venue exceptionnelle en France et à l'occasion de la sortie du Mega Mix I Don't Know Anybody Else, Black Box et Maximum vous attendent aujourd'hui au magasin Chandisque, 84 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e, à partir de 20h30 pour une heure de dédicace non-stop. Aujourd'hui, Black Box à Chandisque avec Maximum. I'll tell you what I know so well. Your love is standing tall and swell. Yeah. Écoutez, c'était le lundi 22 avril. C'est le permis. Bien. Avec plein de cadeaux à vous offrir. Maximum, les nouveautés, il n'y a pas d'heure pour en écouter aussi avant toutes les autres nulles de radio. Voici les Pet Shop Boys. Where the streets have no name. Where the streets have no name. Can't take my eyes off of you. 80 jours d'avance sur Maximum, les Pet Shop Boys. Vous avez demandé Maximum, ne quittez pas. Moi j'aime bien. Avant je n'écoutais pas de radio. Techniquement c'est très bien fait. Et maintenant je n'écoute que Maximum. Moi j'aime bien. Ça dégomme. Moi j'aime bien. Ce que j'aime le plus sur Maximum c'est la musique. Merci d'être branché sur la Max Musique. Max Musique. Maximum. Maximum. Toutes les fréquences de Max sur le 3615 Maximum. Double X. Yeah. Avec aujourd'hui double X. Alors, ça vient de Toulouse, on a eu toute la France aujourd'hui. Eh ben tout de suite c'est Toulouse. Alors on précise un truc avant, c'est que le double X qu'on fait ce matin, depuis 1h du matin jusqu'à 9h, c'est un clin d'œil à Maximum. Vous êtes aperçu si vous vous êtes levé à juste un instant, on vous le répète. On passe des vieilles promos de Maximum, des anciennes, on passe des vieux titres, on passe des vieux Maximix. On passe des Maximix, on passe des trucs, enfin bon, tout ça pour faire un clin d'œil à tout ce qui a été Maximum depuis 1989, puisqu'on va cesser de vivre le 5 janvier prochain. Donc 23 octobre 89, 5 janvier 92. Voilà. Le double X c'était une brique en une minute à l'époque et maintenant on fait gagner ce qu'on a sous la main aujourd'hui, des sacs Maximum. Tiens, on va faire gagner un sac. Un sac maximum. Ouais. Michael ? Oui. Tu vas bien ? Salut. Ça va très bien, salut tout le monde. Tu nous appelles de Toulouse. De Toulouse, bonjour auditeur de Maximum et bonjour de Toulouse. Ouais, Toulouse to win. Toulouse, je me souviens, on a été faire une bringue là-bas, c'était on était arrivé le vendredi soir, on a été au studio, c'est une discothèque qui s'appelle comme ça. C'est ça. Et après, on a été faire une soirée le lendemain dans une discothèque qui s'appelait le Kalimba Club. Et toi, tu y étais, non ? Et j'y étais. C'est vrai ? C'est vrai. C'est cool ! Ouais, et alors, il y avait cool. Qui ce soir-là ? Il y avait Desilie, il y avait Roselyne Clark, il y avait, je sais plus qui, il y avait des tas d'artistes d'ailleurs. Et Abial. Oh bah là, François Valéry avait failli venir, mais. Déclaré forfait. Eh ouais. Le double X, Michael ? Ouais. On y va ? C'est on parti. On va se faire. Concentre-toi. Moi, bon, j'aime bien, moi. Ah purée, je le trouve pas. Sandra. Ah. Oui. Bon. Une pétasse pareil. C'est nul. Je vois pas. Ah. Bon alors là. Voilà. Ah oui, 18 Technotronic. Ouais. Non. Ah. Viens. Oh, il s'appelle l'autre là. Under the Block là, les blaireaux. Ah mince. Ouais. Bien, bien. Ouais, mais je le ferai, je les connais. Ah ouais, l'autre là. Ce qui est dur, c'est que c'est les trucs qui passaient il y a quelques mois quoi. D'ailleurs, il faut me donner du Cubic 22, voilà. Du Néo. Ah ouais? Bah ouais. Oh bon d'accord. Ça alors. C'est les double X il y a au moins on aurait dû faire un spécial techno. Lui ça lui aurait plu lui. Voilà. Donc t'as raté des choses quand même. Comme Guida de Palma. C'est le truc espagnol là. Il y avait Sunsonic, Where My Body. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Chalamar. Il y avait Jody Watley. Il y avait Mantronix. T'as trouvé Mars. Il y avait Paul Rutherford. Ouais, je suis mauvais quoi. Et Hypnotique au début. Et pourtant on avait un concept très fort au départ. En tout cas, merci Toulouse. Et je vous remercie. Vas-y, je t'en prie, exprime-toi. Ouais, mais. Tu voudrais dire quelque chose sur la fin de Maximum ? C'est horrible. Bon, ok, je crois que le mot est assez fort pour tout exprimer. Sans commentaire. Non, mais c'est vrai, c'est une situation très dure. Tous les Toulousains, une partie. Parce qu'après, bon, il reste les déchets. Hein. Ouais. Mais une partie coûtait Maximum et que Maximum. Eh ben écoute, tant mieux pour eux, tant mieux pour nous. Profitez-en encore une semaine, les amanches. Et puis on va se faire quand même un petit cadeau pour notre ami Michael. Oui. C'est-à-dire un sac Maximum, avec les pâtes le sucre en promo. On se fait au rayon pâtisserie les rouleaux de papier peint et le sac en plus. Donc on va tout te mettre dedans avec des babioles à l'intérieur. C'est super. Et c'est ça pour toi, Michael, aujourd'hui, puisque c'est fête quand même. Oh, en plus c'est bonne année. On va pas chercher les gens, non. Salut. Salut et délirez bien. Merci. Salut Michael. Salut. Attention, sur Maximum, jusqu'à 9h, le réveil des tarés. On va péter les plombs, que vous soyez à Poitiers, Perpignan, Pau, Limoges, Cherbourg, La Rochelle, Chartres, Besançon, Bordeaux, Paris, Thionville, Poitiers, même en Allemagne, il y en a qui nous écoutent par satellite. Bombay. Oui, soyez forts, mes bébés. Get the best of you. I got to get. your love, it's been moving me around. To lay your love on me. What a sensation. I can tell just how happy we could be. I gotta get the best of you. Baby, what an occasion. You and me, we could be the top attraction. Maximum, tous les tempos dans la peau et tous les tarés sur le pont, parce que c'est la matinée des tarés. Cocteau Patanjali avec vous. Et puis dans deux minutes, des anciennes promos de Max. Et puis il y aura aussi Right Said Fred. Il est moins deux, le plus info avec le petit bouchon de service. Hélène Zellani, bonjour. Bonjour, le Paris-Le Cap, réveillon à Nguimi pour la caravane. Aujourd'hui, les concurrents repartent donc pour la sixième étape de 601 km au Niger. Le français Hubert Auriol sur Mitsubishi a remporté l'étape d'hier dans le Ténéré. Du même coup, il a conforté son avance en tête du général. Un classement général dominé par les Mitsubishi qui s'adjugent les trois premières places. Chez les motos, l'Italien De Petri, blessé, a cédé sa première place à l'Américain Laporte sur Kajiva. Dieu et ses saints, c'est pas le grand amour. François Mitterrand perd 3 points au sondage mensuel BVA pour Paris Match. Avec 36% de bonnes opinions pour Edith Cresson, la dégringolade continue. Moins 2 points avec 27% d'opinions favorables. Il n'y a plus que 20% des Français à se déclarer satisfaits de la façon dont la France est gouvernée. Soulagement pour ceux qui ne payent pas la redevance télé. Le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l'un des articles de la loi de finances 92, celui qui autorisait les services de la redevance à mettre leur nez dans les fichiers de Canal+ ou du câble pour trouver les fraudeurs. Charras devra trouver un autre système pour les débusquer. Les législatives en Algérie, résultat officiel, le FIS tout près de la majorité absolue, le Front islamique de Salut a enlevé 188 sièges sur 430 dès le premier tour. 50 en ville, foutaise. Une majorité d'automobilistes n'est pas convaincue de l'efficacité de la limitation de la vitesse à 50 km/h en ville. Un sondage Louis Harris pour le magazine Auto Plus. D'autant qu'elle est loin d'être entrée dans les mœurs, 69% des automobilistes avouent dépasser cette limite. Aux yeux d'une large majorité d'entre eux, la conduite en état d'ivresse reste le fléau numéro 1. Météo Max, 91 finit dans la grisaille et le froid. Le mercure descend en dessous de zéro, presque partout, même dans le sud. Un petit vin chaud, ça vous fera pas de mal au petit-déj. Rendez-nous notre bobo à la teste sur le bassin d'Arcachon. Les parents sont furax. Ils protestent contre la fermeture pour le réveillon d'une discothèque de la ville. L'exotique Bobo Club, c'est son nom, a la particularité d'accueillir les enfants tous les samedis. Maximum, il est 8h, la matinée des tarés avec couteau et pâte. Abomba, abomba. Je viens chanter ma haine. La radio des années 90. Maximum. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. It hurts. And I am too sexy for Milan. Too sexy for Milan, New York and Japan. And I am too sexy for your party. Too sexy for your party. No way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. By far. And I'm too sexy for my hat. Too sexy for my hat. What you think about that? I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. On the catwalk. Yeah, I shake my little tush on the catwalk. Maximum 8h03 à la campagne jusqu'à 9h. On va halluciner grave. Patanjali et Cocteau, c'est au CTO pour une fin assez hallucinante. En tout cas, d'ici une heure, il y aura encore des cadeaux à vous offrir. Il y aura un double X pour donner un petit clin d'œil à Maximum. Il y aura de musique de Berne. Il y aura aussi un Maximix, car là, quand même, la spécificité de Maximum au départ, c'était les Maximix. Comment tu causes à 8h du mat du 31 décembre? C'est hallucinant quand même. Tu t'appelles pas Sylvestre, toi, parce que sinon c'est ta fête. Le Maximix tout à l'heure, et puis comme tu dis, des cadeaux, et comme tu dis, le soleil se lève à l'ouest. Non? Pom pom pom pom. Le Maxbox. Maxbox revient. Cette semaine sur Maximum, c'est nouveau. Stop. Michel. Janet Jackson. Prince. Maximum, la nouvelle musique. Nouvelle musique. Avant tout le monde. Maximum. La radio des années 90. Maximum. you told yourself, but I'm here to lift your spirits off the shelf. Loosen up a bit. Let me see some of those characteristics. I know you got it, you couldn't wait to shout it. You have sex appeal, so don't doubt it. So don't say that you can't be. Cause everybody can be sexy. Within, from every boy and girl, and every man and woman, what you got is enough. Who said to be sexy? You had to have those curves and stuff. Start to move when you hear a groove. If you're not sexy, nobody move. It's not hard to do. Get into the music, I'ma bring out the sexy part in you. You. Your body swing and your hands clap. Mirror, mirror on the wall. Who's the sexiest of them all? You are. Yeah, I know it's me. The N-I-double-K. So every time you look into a mirror, you'll see. Just say to yourself, I believe in me. And get into the rock house sound. They got a rhythm that'll shake you down. Together with the MFSB and a 70s swing. Come on now, get into this feeling. Never say that you can't be. Why? Cause everybody can be sexy. Sexy. Maximum 8h14, Nikkei, Nicole, une jeune fille qui a envie de se faire violer, hein. Sexé, allez, viens. Bon allez, on se fait des vraies pubs, enfin les pubs actuelles, et ensuite on en fait une d'il y a facilement un an et demi, puisqu'on fait une petite rétrospective de toutes ces années maximum. Les deux années maximum commencent. On toujours fait la différence. A tout de suite. Préparez Noël avec Maximum et Madison. Terminons cette année avec un max de cadeaux. Fêtons la dance chez Madison avec Lisa Lisa. Holy Noise. KLF. Technotronic. Écoutez bien Maximum car à tout moment, vous pouvez emporter un max de CD. La fête de la dance, c'est chez Madison avec Maximum. Vous aimez Maximum, alors conservez un collector. Les feutrines Power Maximum. You got it. Blanc ou noir, elles sont exclusives et numérotées. Personnalisez vos mix avec Maximum. Les deux feutrines Power Maximum au prix exceptionnel de 79 francs chez tous les revendeurs Power. Toutes les adresses sur 3615 Maximum. Les feutrines Digi Power Maximum, attention, série limitée. Maximum. Stop musique. De Lisa Stenfield à Alain Chabat, en passant par Adeva, Gérard Jugnot et Technotronic, découvrez chaque jour l'actualité des projets et le titre maximum des invités du Stop Music. Eh ben, le maximum en ce moment pour moi, c'est la promotion de mon dernier album. This music is very good. J'ai découvert ce morceau. Yes, why not? Stop Music sur Maximum, une vedette envoie la musique. Stop Music. Votre radio et jetez le bouton. Vous êtes sûr? Maximum. We all listen to ourselves. Never no one else is this wild. des artistes qui aura été l'une des artistes fétiches de Max. Lisa Stanfield, depuis le début, on a joué tout son premier album presque. Tous les titres, un truc de fou, hein. Everything will get better. Il y a des artistes comme ça qu'on a découvert. Il y avait KLF aussi, De La Soul. Qu'est-ce qu'il y a eu, les gens Adeva, enfin des gens comme ça, quoi. Voilà. On verra ça, tiens, de plus près vendredi, je le répète. Ouais. Parce que c'est ma boutique. 17-21h. Tous les trucs qu'on a découvert sur Maximum avant tout le monde, qu'on fait un tube. Génial, je ne vais quoi. Pas jouer au Jacques Martin ni à Sacré Soirée à notre ami, comment il s'appelle, Jean-Pierre Foucault. Mais je voudrais remercier tous ceux qui sont là depuis 1h du matin. Oh là là. Ils sont nombreux, ils nous appellent de partout, de Toulouse. Bon. On est corsés. Donc ils sont là depuis 1h, vu que nous aussi, 1h, 9h, aujourd'hui c'est la nuit des tarés, mais la non, matinée des tarés. On n'est pas endormi encore. On a même du mal à articuler. En tout cas, le double X commence. 16 1 40 39 09 09. 40 39 09 09. Pat, la phrase clé pour être sélectionné au standard. Le porte-manteau est sur le fil à linge. alors là, mon pote, vous voulez pas voir là. Le porte-manteau est sur le fil à linge pour le 40-39-09-09. Double X, il y avait des cadeaux, qu'est-ce qu'on va filer là ce coup-ci? Des CD singles de Lisa. Oui. Éteignez la lumière, bienvenue dans un monde nouveau, celui de Moomooland, avec des cadeaux. NASA. Laza, Maximum. Esprit, si tu te balades parmi les ondes hertziennes, détache tes cheveux. Laza. Avec le double X aujourd'hui, et on va jouer avec qui? On va jouer avec Serge, tiens. Salut Serge. Salut. Tu nous appelles d'où, Serge ? De Reims. Quel âge ? Encore Reims. Reims a été la ville, il y a vedette aujourd'hui, Reims. Ils ont réussi à nous appeler, ils nous ont appelé, super. Bravo, les Rémois. Le mot de clé, le mot de passe. Le fil de... Allô ? Le porte-manteau est sur le fil à linge. Bravo. Bravo, tu as gagné. Ah bah non, merde, on n'a pas fait le double X encore. Oui, j'aimerais bien jouer quand même. Attends, c'est parti, on faut que fait. Tu mérites, faut que tu mérites quand même ton Pins Fort Boyard. Bon. On y va. J'aime entre les repas. On y va. On y va, c'est parti. Double. 101. Joli. Confetti. Bravo. Ouais. Introuvable ça. Joli, facile ça. Abial. Ah, bravissime. Eagle. Joli. Delight. Sibyl. Ouais. Dépêche Mode. Et alors là, l'extase. Oh la balle. C'est frisé, hein. Les autres, ils vont être verts de rage. Je vais dire, on l'a fini par la facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sur 11. Ouais, c'est 8 joli, sur 11. Ça. Attends, 11, c'était une brique. 10, 5000, 2000. Putain, il aurait gagné 1000 balles ou 1250 balles. Là, le père Serge. Alors, donc, tu as trouvé 101 Confettis. Il y avait Boom Expansion. Ben Librand, tu as oublié aussi. Ouais. Abial, Eagles, Raoul, Aurelana. Ah, Delight, Sibyl, Dépêche Mode et Technotronic. Ouais. Et bravo Serge. On va lui filer un petit t-shirt là. On va lui filer quoi d'autre, j'avais prévu un Lisa. Ouais, vas-y. Un sac. Un petit sac, moi ça me dirait bien. Allez, un Lisa, un sac. T'as de voir ? Ah ouais, ça va. Voilà. Lisa dans un sac. Parce d'accord. Qu'en plus, elle tient, hein, je peux te le dire. Elle est des gros seins, moi j'aime bien les gros seins. Parce que quand je vais voir mon boulanger, je lui demande des grosses miches. Tais-toi. Serge, on te ramène tout ça, on t'envoie tout ça, on te dit à bientôt, on te dit bravo et puis merci d'avoir été fidèle à Maximum. Bah, ça ouais, nous fait bien. Vachement plaisir, ça et nous va droit. Reste-le jusqu'au 5. D'accord. Au salut Serge, à bientôt. Salut. Ciao. Bravo. Bravo. Hey. Bravo. Maximum, tous les tempos dans la peau dans 2 minutes. Simply Red. Il est moins de le plus info, on enchaîne. Allez hop là, une pizza pour la 6, Hélène Zélani, bonjour. Bonjour, ne laissez pas les autres choisir à votre place. C'est aujourd'hui 18h, le dernier délai pour s'inscrire sur les listes électorales dans les mairies. Ensuite, il sera trop tard pour pouvoir voter au régional et au cantonal de mars prochain. C'est mal barré pour la 5, les rumeurs de dépôt de bilan sont de plus en plus précises. Hier, le président de la chaîne Yves Sabouret se montrait lui-même peu optimiste. Je ne vois pas comment on pourrait continuer, a-t-il dit. Le conseil d'administration extraordinaire de la 5, réunissant tous les actionnaires, doit s'ouvrir tout à l'heure, à 10h. Le sommet des 11 de la CEI, pas de défense commune. Hier, les dirigeants de la communauté des États indépendants étaient réunis à Minsk. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un commandement militaire unique. 3 républiques font bande à part, l'Ukraine, la Moldavie et l'Azerbaïdjan. En revanche, pour ce qui est des armes nucléaires, le bouton rouge sera uniquement entre les mains du président russe Eltsine. Enfin, la liberté pour les 3 frères Bourekha. Le roi du Maroc Hassan II les a graciés après 18 ans de prison sans jugement. Selon les rumeurs de l'époque, ils avaient été arrêtés pour espionnage. Enfoiré de toute la France, rendez-vous le 9 janvier. Ce soir-là se déroule une soirée spéciale à l'Opéra Garnier à Paris au profit des Restos du Cœur. C'est un spectacle qui réunira Muriel Robin, Patrick Sébastien, Smaïn et d'autres invités surprise. Prix unique des places, 250 francs. Point de location, le Virgin Megastore. Ouais. Météo Max, cette fois c'est la der des der de l'année, évidemment. Ah. Et ben, elle est pas belle à voir, cette météo toute grise et fraîche dans la matinée. Alors si vous pouvez rester sous la couette, ne vous gênez pas, surtout avec les deux fous qui sont sur Max ce matin. Chut, Solina bis. Chut. Celle-là sévit en Angleterre et à la différence de l'italienne, elle est grosse, bien vulgue et franchement moche. Prostituée de métier, elle s'appelle Cindy Sinclair. Elle avoue avoir couché avec 195 membres du Parlement en moins de 20 ans. Et grâce à ses relations, elle espère pouvoir se lancer dans la politique. évoque son programme Lutter pour ses consoeurs qui mènent une vie dangereuse. Truc de fou. Ouais, truc de fou, ouais. Maximum, 8h30, truc de fou avec Cocteau et Patangeli. Attends, faut que j'appuie sur le bouton là. La nouvelle musique à son maximum. Allez! C'est nouveau. C'est Luke Sean. Mantronix. Oh, I got to have your love. Snap. Maximum, la nouvelle musique. Nouvelle musique. Avant tout le monde. Maximum. Vous l'avez entendu chez nous, Maximum. l'un des plus gros coups de Max en 89. Les Louis French Kiss avec celui qui va vous faire planer pendant toute la matinée. Lionel Safresh qui vient d'arriver. 17 minutes avant la Il a tout amené, l'écharpe, il a juste oublié un truc. La seule payeur. La bouteille de champ. Maximum présente Techno Dance Party, le choc de l'année 91. La techno a envahi la France. Okay. Techno Dance Party, Spectrum, D99, LS Style, Digital Boy, PKA, Cubic 22. Retrouvez-les sur la première compile techno, Techno Dance Party. Et déchaînez-vous sur ces tempos venus d'un autre monde. Techno Dance Party. Techno Dance Party, c'est une compile Maximum. Vous avez demandé Maximum, ne quittez pas. Moi j'aime bien. Avant je n'écoutais pas de radio. Techniquement c'est très bien fait. Et maintenant je n'écoute que Maximum. Moi j'aime bien. Ça dégomme. Moi j'aime bien. Ce que j'aime le plus sur Maximum c'est la musique. Merci d'être branché sur la Max Musique. Max Musique. Maximum. Maximum. Toutes les fréquences de Max sur le 3615 Maximum. House, pop, black, rap, techno, tous les tempos sur ta radio, Maximum. J'adore la techno, j'adore la techno. Moi aussi. Les meilleurs remixes et seulement sur Maximum. Maximum. Hey, tout le monde vient à la fête. Hey. Bon, hey, les mecs, maintenant c'est l'année qui va finir, donc ce soir, donc faites bien la fiesta. Ouais. De toute façon, on la fait toute la nuit, on va la faire la nuit prochaine avec Fred Risser, on sera encore tous au téléphone et on va pas se gêner. Sabrina, cover model, à poil. C'est vrai. c'est vrai. C'est numéro 1. C'est le must de Max. Le must des musts. Presque la fin de la nuit des tarés avec KLF, un des groupes fétiches de Max, on l'a découvert. Ça, c'était numéro 1 du Must des Musts. Tous les synthèses de Musts, on l'a fait vendredi dernier. Et c'est le titre en 91 qui a le plus cartonné. Donc, on n'y avait pas de raison qu'on se le fasse pas. Et grâce à nous, à mon avis. Alors. Moi, je dis ça. Hein. Bon, les mecs, encore un disque. Donc, on va en profiter pour causer un petit peu. Puis dire merci. Déjà, un grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont aidés, qui ont participé à cette nuit des tarés. Toute la nuit, on était cassés, brisés. Cocteau, regardez le téléphone. Le téléphone est resté allumé en permanence. Et merci, c'est pas des bourres. À tout le monde. Merci à tous ceux qui ont fait maximum. Bon, merci à tous ceux qui sont passés sur maximum. Non, Patrick Delay, bonjour monsieur. Bonjour. Bon, on a besoin de t-shirts et de compilations. Elles sont là. tout va bien. Donc c'est à lui qu'on pique les sacs et les t-shirts. Donc tout va bien. Tous ceux qui sont passés sur maximum, eh ben seront les bienvenus de toute façon partout où ils passent et où qu'ils veulent. Ça fait et sacrée quand soirée, veulent. Mais il faut bien le dire parfois. Ouais, mais on le dit parce qu'on a c'est envie de le dire. Voilà. J'aimerais même dire qu'il y a quelqu'un qui nous a appelé, un des coyotes sur une autre radio, qui a dit ce qu'on faisait ce soir était très bien. Donc je voudrais le signaler. On s'en fout, on va dire. Tout à l'heure. On a bien eu PO tout à l'heure. On a eu plein de gens. Sam Z, tout ça. Donc on remercie tout le monde. On remercie surtout un monsieur qui s'appelle Eric Auville. Il faut bien le signaler. Qui a créé Maximum de ses propres mains et qui s'est entouré des personnes compétentes pour réussir à mener à bien cette aventure. Faut bien dire. Merci à tout le monde. À bientôt. Ah bah tiens, on va se faire un petit plaisir avant de se quitter. On va se dire au revoir tout à l'heure. Allez, on y va. Tiens, on se fait un playback. Cette semaine sur Maximum. C'est un bout de temps, ça. Hein. C'est nouveau. Lisa Stanfield. À toi. Je suis prêt. Adensky. International. Et Itaos. La nouvelle musique. Nouvelle musique. Avant tout le monde. Maximum. Les années Maximum commencent. Maximum. Maximum, tous les tempos dans la peau. Lionel Safré, Toto Wick dans 2 minutes. Merci à tous. Bien merci réveillé. À tous. Merci Cocteau. T'as fait un amour. Merci Patanjali. Tu m'as pas trop piqué de champagne, c'était sympa. Donc depuis 1h du matin, c'était la nuit des tarés. Merci à tout le monde. On va pas continuer. Hein. Ouais, on a encore toute la semaine. Allez, salut. Ciao. Il est moins de plus info, Hélène Zélani, merci pour le champagne. Bonjour, coup dur pour Charras. Le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme l'un des articles de la loi de finances 92, celui qui autorisait les services de la redevance télé à consulter les fichiers de Canal+ ou du câble pour trouver les fraudeurs. Michel Charras n'a plus qu'à trouver autre chose. Mère Teresa à l'hôpital. La religieuse a été opérée du cœur dimanche aux États-Unis. Elle souffre également d'une pneumonie. Selon les médecins, ce matin, son état s'améliore. Mère Teresa a 81 ans. Mission difficile, si ce n'est impossible, pour Cyrus Vance. L'émissaire des Nations Unies entame sa 5e mission en Yougoslavie pour tenter d'obtenir la fin des hostilités en Croatie et préparer un éventuel déploiement de casques bleus. Aujourd'hui, il rencontre pour la première fois des responsables yougoslaves. Sur le terrain, les combats continuent. Paris-Le Cap, l'étape de demain neutralisée pour des raisons de sécurité. Cette étape devait relier N'Guimi à N'Djamena au Tchad. Gilbert Sabine, l'organisateur, a décidé que les véhicules emprunteraient la piste en convoi en raison de la situation tendue dans l'ouest du Tchad. En revanche, pas de problème pour l'étape d'aujourd'hui qui est maintenue 601 km entre Dirkou et N'Guimi près de la frontière entre le Niger et le Tchad. À l'issue de la 5e étape, Auriol et Mitsubishi dominent. Hubert Auriol qui l'a emporté hier et qui conforte son avance en tête du classement général. Pas moins de 5 Mitsubishi ont occupé les 5 premières places de l'étape. Et chez les motos, le leader, l'italien De Petri, s'est cassé la clavicule. L'américain Laporte sur Kajiva mène maintenant le classement. Météo Max, c'est très frais ce matin. Thermomax chaud, hein, négatif quasiment partout. Et surtout, ce dernier jour de l'année s'annonce très gris. Sauf au sud, où le soleil fera quelques percées. Interdiction de mâcher à Singapour. Les autorités en ont ras-le-bol de la prolifération de résidus gluants de chewing-gum dans les trains ou partout où les consommateurs indélicats peuvent les coller. C'en est à un tel point qu'il a été décidé hier d'interdire l'importation, la fabrication et le commerce des chewing-gums. Faites gaffe, si vous allez à Singapour, les délinquants du Malabar seront punis. Maximum 9h, Lionel Safré. C'est nouveau, c'est Maximum.